Merry Christmas, Studek Web. Il est 16h sur Studek Web. Studek Web, les infos. 16h, les infos présentées par Maxime Gondelot. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Dans l'actualité de cet après-midi, une grande opération policière est en cours actuellement depuis plus d'une heure dans le quartier de Neudorf à Strasbourg. Les enquêteurs ont réussi à localiser le véhicule de la mère de Shérif Shekat qui n'a pas bougé, ce qui laisse penser que le fugitif serait toujours à Neudorf. Plus de 48 heures après le marché de Noël, le ministre de l'Intérieur se rendra sur place en fin de journée, annonce l'Élysée. Au total, plus de 700 membres des forces de sécurité sont toujours aux trousses de l'assaillant. Un appel à témoins a été lancé pour retrouver l'individu. Pour rappel, l'attaque a fait 3 morts et 13 blessés, dont un en état de mort cérébrale. Pas de reprise de l'usine de Blanquefort en Gironde, alors que la société Punch Power Glide s'était positionnée pour reprendre le site. Ford a annoncé avoir écarté l'offre. 850 salariés sont toujours en attente d'une reprise. Le constructeur américain prévoit la fin de la production d'ici fin août 2019. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait appelé à accepter le projet de reprise qui devrait préserver 400 emplois. Ford estime qu'un plan social est préférable à un projet de reprise qu'elle juge fragile depuis le départ. À l'international à présent, Donald Trump de nouveau dans la tourmente sur Twitter. Le président des États-Unis affirme n'avoir jamais demandé à Michael Cohen, son ancien avocat, d'enfreindre la loi. Il rajoute « Il était un avocat et est censé connaître la loi ». Réaction tranchée suite à la condamnation hier à 3 ans de prison de Michael Cohen par la justice fédérale américaine. Il réagit en déclarant qu'il pensait que c'était son devoir de couvrir les sales coups de M. Trump. Michael Cohen a notamment été condamné pour avoir organisé le paiement de 280 000 dollars à 2 maîtresses supposées du milliardaire, ce qui représente une violation des lois sur le financement des campagnes électorales. Theresa May, première ministre britannique, ne s'en sort plus après avoir survécu un vote de défiance des parlementaires hier. Elle est en déplacement au sommet européen à Bruxelles qui commence aujourd'hui. Le but, plaider auprès de ses homologues pour plus d'assurance sur le Brexit. Elle a déjà annoncé son retrait anticipé de la tête du gouvernement avant les prochaines élections de 2022. Et côté météo, le temps sera très pluvieux sur la côte atlantique et sur la côte méditerranéenne. Dans le reste du pays, le soleil sera de sortie malgré l'accumulation de quelques cumulus le long de la frontière est du pays. Pour les températures, 4 à Bordeaux, 6 au Havre, 9 à Marseille et la maximale de 10 degrés pour Ajaccio. Merci Maxime, prochain point sur l'actualité à 16h20. La Commission nationale ne s'est pas opposée à la diffusion de l'émission que vous allez voir. 16h, 17h. Radio Ganaswinda, bonjour. Corentin. Non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Valentin. Il y avait quoi d'autre comme rêve fou? Il y avait vous, tout nu. Pauline. C'est une plaisanterie. L'heure média, c'est de 16h à 17h sur Studek Web. Bonjour à tous, vous êtes sur Studek Web, je m'appelle Valentin et on partage cet après-midi ensemble avec toute l'actu de vos médias. C'est l'heure média jusqu'à 17h, on retrace toute l'actu télé, radio, presse écrite sur Studek Web avec vos messages très importants qui arrivent grâce aux pages Facebook et Twitter. Et son hashtag, l'heure média. Pour m'accompagner, comme tous les après-midi, Pauline. Bonjour, oui, Pauline. Bonjour Valentin, bonjour à tous. Alors avec toi, les moments marquants de la télé hier soir. Oui, le Zap TV. Et puis aussi le journal des médias. Et puis j'attire votre attention, soyez là si vous êtes fan de foot, c'est dans moins de 15 minutes. Exactement. Et lui, c'est pas le ballon rond, non, non. C'est plutôt la musique urbaine. Corentin vous présentera le nouvel album de Rof. Salut Corentin. Bonjour Valentin, bonjour à tous. Et oui, effectivement, le nouvel album de Rof sort demain. Donc voilà, je vais vous en parler, revenir sur son parcours et puis ce qu'il attend de ce nouvel album. Et puis tu reviendras aussi sur tes coups de cœur du programme télé de ce jeudi soir. Exactement, les chaînes TNT et chaînes hertziennes, je vous ai fait le programme télé de ce soir. C'est magique, extraordinaire. Exactement. Et puis peut-être pour terminer, le plus sage d'entre nous, quoique c'est pas sûr, notre ami journaliste Arthur Vincent. Salut Arthur. Et salut Valentin, salut tout le monde. Avec toi, la faute trafic. La forme à 16h20 et 16h40 et puis les audiences télé d'hier soir. Et tout à fait, oui. Et il y a un petit indice qui arrive en tête. Alors c'est TF1 numéro 1. Encore une fois, comme assez souvent, TF1 est arrivé en tête, mais c'est que le teaser, ça viendra à 16h30. Hein. Calmez-vous. Ok. Et puis je vous conseille aussi d'aller vous promener sur le marché de Noël de Sarlat, voilà, à côté de Périgueux. C'est vraiment féerique, c'est jusqu'au 31 décembre. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est le 5e plus beau marché de Noël de France, selon le magazine Marie France. Voilà, j'avais envie de vous en parler. J'aime beaucoup cette ville. Et puis vous qui êtes dans le coin, ça vaut vraiment le détour en cette période de Noël. Je vous laisse vous installer tranquillement dans leur média avec The Prince Karma, numéro 1 sur Shazam France, 14e à l'échelle mondiale. Bah oui, ça tourne pas mal, hein, avec Later Bitches pour vous sur Studek Web. What the hell do you mean? I've got to wait in line. shit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Sur Studek Web. Bon alors, d'accord ou pas d'accord pour traduire les paroles de la chanson? Bah, ça veut dire plus tard pour aller à la plage, non? Pas exactement. Non, pas exactement. Bon, pas d'accord. Les avis s'opposent. Dans le d'accord, pas d'accord sur Studek Web. Bon, par contre, on est tous d'accord pour le débat sur Studek Web. Oui. Dans l'heure média, chaque jour, un sujet différent. Vous qui nous écoutez, venez vous exprimer dès maintenant sur la page Facebook de Studek Web avec le hashtag l'heure média, débat spécial Noël aujourd'hui. On oublie l'actu assez tendue de cette fin décembre. Les chaînes d'infos continuent, tout ça, on met ça de côté. Que pensez-vous des programmes télé spécial Noël sur les grandes chaînes de télé? Tous les ans, ils sont là. En même temps, tous les ans, on fête Noël. Malin. Est-ce que vous trouvez ça toujours pareil? Vous voulez du changement? Bah, dites-moi tout. On pose les bases de ce débat avec le journaliste Thierry Moreau dans la matinale de CNews de Romain Desarbres et Clélie Mathias. C'était le 7 novembre 2017. Ces programmes encadrent, vous l'aurez compris, des écrans pubs qui sont bourrés de pubs pour les cadeaux de Noël. La recette est simple, vous prenez n'importe quel mot, vous lui mettez Noël. Vous avez déjà le titre, ça c'est la première chose. Vous y ajoutez une histoire très simple, avec de l'amour, des enfants, de la trahison, du mensonge, de la rivalité. Mais attention, toujours dans l'esprit de Noël bien sûr. Bon, l'extrait date de l'année dernière, mais l'esprit Noël reste toujours le même. Je me tourne vers toi, tiens oui. Pauline, pour commencer. Alors, âme d'enfant ou envie de changement? Alors... âme d'enfant, mais envie de changement. Hein, ah. Un peu les deux, parce que... Pas trop compliqué, toi. Non, étant donné qu'en fait, on a quand même, comme tu le dis, c'est à chaque fois, chaque année, la même chose, quand même, les trucs de Noël. À chaque fois, il y a des nouvelles séries, entre guillemets, des nouveaux téléfilms. Mais à chaque fois, c'est des nanars à n'en plus finir. Ouais. Moi, j'appelle ça des nanars parce que ma mère s'endort devant, en fait. C'est vraiment quelque chose de soporifique. Et je trouve que, bon, c'est mignon et tout ça, mais y aurait la place, justement, ça laisserait de la place pour un contenu un peu plus élégant, on va dire. Corentin, t'as pas l'air d'accord. Absolument pas. Moi, Noël, c'est une fête que j'adore et j'aime bien cet esprit de Noël, comme j'aime bien avoir un marché de Noël, j'aime bien avoir des odeurs de chocolat, de clémentine. Ah non, pas clémentine. Et j'aime bien, je déteste. Et j'aime bien me regarder, comme dirait Pauline, ben, mon anard de l'après-midi, me poser, m'endormir. Et avec voilà, ton c'est, plaid. Voilà, exactement, une plaid, un chocolat chaud, une petite tisane, et puis voilà, t'es parti. Et c'est très bien. Et oui, même si le film, on connaît la fin dès le début, oui. On sait comment ça évidemment. Va se passer, dans les 5 premières minutes, on a compris. Mais je sais pas, il y a une, c'est une magie, ça fait partie des fêtes. Le jour où on nous enlève la bûche de Noël, ben non, je suis pas d'accord. On me garde. Et pareil, alors je du garde coup aussi. Pour les nanars, donc. Ben pareil, je il veux, faut je pour mes Noël, ton nanar. Et comme disait Valentin, on a besoin de ça aussi. Je trouve en cette période des trucs simples, être en famille, se retrouver. Voilà, c'est un bon prétexte aussi d'être bon tous réunis. Arthur, toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, les deux m'ont convaincu, hein. Mais globalement, je vais me ranger du côté de Pauline parce que déjà c'est l'après-midi, donc franchement, il doit y avoir une famille sur 20 qui regarde ça en famille, parce que globalement, tu mets ça parce que tu vois, il y a rien d'autre à la télé. Mm-hmm. Donc franchement, moi, j'en ai vraiment marre. On peut en mettre un ou deux, mais le gang final. Bah voilà, on n'a pas les parents. quand vous dites nanar, quand même, je vois des Robin des Bois, quand même des Cendrillon, Peter Pan, et puis essentiel, les Aristochats. Le monde veut devenir un gâteau. Vous pouvez pas vous plaindre avec ça quand même. Moi je me plains pas. Mais Pauline. Ça c'est pas un film de Noël pour moi. Les films de Noël, pour moi, c'est les trucs niais, et dégoulinants qui passent toute l'après-midi. Ça donne la magie, Noël. Ça donne la magie. Il y a Patrice de Mantes-la-Jolie. Je suis resté enfant, voilà. Et grâce à la télévision, j'ai des étoiles plein la tête. Julie Nancy sur le hashtag Leurs Médias avec les enfants. C'est un vrai bonheur de regarder des Walt Disney et des grands classiques comme Peter Pan. Voilà, moi j'ai envie de dire, je crois que Corentin, t'as convaincu tout le monde. Bah écoute, je sais, comme à chaque fois. Le débat se poursuit sur la page Facebook de Studec Web. Vous pouvez réagir à tout moment, hashtag Leurs Médias. Et puis Leurs Médias se poursuit avec dans moins de 5 minutes votre journal des médias et puis les audiences télé d'Arthur. Et là, je vous propose le duo préféré de Sabine de Pornic, Louane et Julien Doré. Bah oui, ils sont aussi sur Studec Web avec Midi sur Novembre. Il est midi sur novembre et le soleil peut t'attendre. Que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses. Moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre. Je t'ai perdu dans la chambre. Labyrinthe en désert. Crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine, we'll be fine, I guess. We'll be fine, we'll be fine, I guess. We'll be fine, we'll be fine, I guess. Il est midi sur novembre et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine. We'll be. Et le soleil peut te prendre. Que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. We'll be fine, we'll be Web avec Julien Doré et Louane. Louane en concert ce soir au Parc des Expositions de Mâcon. Il reste encore quelques places, vous avez moins de 3 heures encore pour réserver. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme promis, dans l'heure média, le journal des médias, comme tous les jours aux alentours de 16h15. Arthur, quel est le programme en tête hier soir à la télé? Alors, c'est parti hein, pour les résultats d'audience du mercredi 12 novembre. Hier soir, TF1 hein, a regroupé 4 774 000 téléspectateurs, 100 000 de plus que la semaine dernière. La chaîne est arrivée en tête avec leur nouvelle série hein, qui cartonne, à savoir la vérité sur l'affaire Harry Kéber. C'est M6 qui se place deuxième avec Maison à vendre, juste devant France 2 avec 1 993 000 téléspectateurs pour les Mystères du Louvre. Ce film avec en tête d'affiche Alice Taglioni raconte l'histoire d'une jeune cambrioleuse au 19e siècle qui va tenter de réaliser un braquage. Est-ce que vous avez regardé le film, vous, hier soir? Non. Non. Non. Moi, j'étais plus TF1. Eh bien, si vous l'avez raté, j'ai la solution, puisque vous pourrez le revoir sur France TV Replay. Bonne nouvelle. Voilà. Sur les autres chaînes, C8 a réuni 849 000 personnes devant La Planète est vraiment foutue. Présentée par Karl Rousseau, la chaîne a pris plus de 150 000 auditeurs par rapport à hier soir. Avant-hier soir, plutôt. TMC a réalisé une audience de 922 000 spectateurs pour Burger Quiz. Hier, ce sont Gérard Darmon et Manu Payet qui ont repris le flambeau de l'animation de Burger Quiz suite au départ hein, d'Alain Chabat. Mais contrairement à Jérôme Commander qui a fait l'unanimité la semaine dernière, ils n'ont pas totalement convaincu les internautes. Sur France 4, James Bond, on ne vit que deux fois... Avec Sean Connery, oui c'est ça, est monté jusqu'à 720 000 téléspectateurs. Et pour finir, hier soir, Arte a cartonné avec le film Les Temps qui changent. Sorti en 2004, le casting est plutôt pas mal avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Arte a réuni plus d'un million de personnes, soit 400 000 de plus qu'hier soir. Un vrai bond en avant. Eh ben merci Arthur. Et quant à toi Pauline, oui, tu résumes l'actu média en 1 minute 30. Exactement. Alors je repars du côté de TF1 qui proposera un nouveau film en prime consacré à l'équipe de France près de 5 mois après leur sacre de la Coupe du Monde. En effet, la Une va faire revivre la victoire des Bleus le mercredi 2 janvier prochain à 21h. Un nouveau documentaire consacré à l'équipe de France baptisé Deuxième Étoile, réalisé par Freddy Calange. Pardon. Calange. Calange. Donc, un film qui reviendra donc sur la victoire des joueurs de Didier Deschamps face à la Croatie lors de la finale de la Coupe du Monde. Ce documentaire inédit proposera aux téléspectateurs de revivre le parcours d'Antoine Griezmann, Paul Pogba et d'autres joueurs de l'équipe de France lors de l'épopée en Russie. Deuxième Étoile promet des séquences jamais diffusées et de très nombreuses images exclusives dans l'intimité du vestiaire de l'équipe de France, notamment après la victoire de la finale et le retour en bus dans leur camp à la base d'Istra. Rendez-vous donc le mercredi 2 janvier pour revivre la fière de cette victoire. Continuons côté cinéma avec les premiers retours sur les sorties de la veille et un chiffre tombe, 2500 téléspectateurs parisien pour le drame japonais Une affaire de famille, récompensé au dernier festival de Cannes. Le long métrage d'Hiro Kostu, Kore-eda et de Lily Franchi, Sakura Ado et Mayu Matsuoka signe le meilleur démarrage du réalisateur dans la capitale française, mais également le deuxième plus gros lancement d'un drame récompensé de la Palme d'Or, derrière La vie d'Adèle qui avait réuni que 3000 parisiens curieux en 2013. Voilà. Merci Pauline. T'as convaincu Philippe de Tours, là, c'est oui, ce qu'il me dit sur la page Facebook de l'émission. Fan de foot, voilà, merci de l'info pour le documentaire. Directement, il va aller voir Deuxième Étoile. Et puis Olivier de Biarritz aussi, qui est, bon, qui aimerait bien passer à autre chose. Il me dit, là, il faut penser il à la Troisième Étoile. Dans 10 minutes, c'est le retour du C'est qui, c'est quoi. Une voix média à découvrir avec trois indices. Et puis plus proche de nous, c'est Alan Walker. On est d'accord, ça met, bah, ça met tout le monde d'accord. Non, mais clairement, là, je t'ai vu, Corentin. Ah, je danse. Il dansait directement. Il danse. Et aussi Corentin qui reviendra sur le nouvel album de Rof. Voilà, un beau programme, un programme riche dans leurs médias sur Studek Web. À retrouver juste après vos conditions de circulation et le flash. Alors, test. Salut, c'est Fanny Agostini sur Studek Web. Bonjour, c'est Laurent Fontaine. Écoutez Studek Web. Studek. La web radio des nouveaux talents. Salut, c'est Vincent Vinel sur Studek Web. Bonjour, Jean-Claude Camus, je suis sur Studek Web. Salut, c'est Pascal Gigot. Comme vous, j'écoute Studek Web. Ah, pas tout le temps non plus, hein. Mais de temps en temps, on aime bien. Bonjour, je suis Benoît Schlossberg, le directeur du conservatoire d'ici Moulineaux. Et vous êtes sur Studek Web. Tous vos artistes préférés sont sur Studek Web. Merci à vous. Merci. À très vite sur Studek Web. Studek. Studec Web, les infos. Nouveau point sur l'actualité de ce jeudi après-midi avec Maxime Gondelot. Bonjour Maxime. Bonjour Valentin, et non, ce n'est pas Maxime, c'est Cyranouchka Latian. Aujourd'hui dans l'actualité, opération en cours au Naudorf, le dernier endroit où a été vu Chérif Chekat, auteur présumé de l'attentat survenu mardi soir dans le centre de Strasbourg. Ce dernier est toujours recherché après un appel à témoins lancé par la police depuis hier. D'ailleurs, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a annoncé qu'il se rendra cet après-midi à la demande d'Emmanuel Macron dans la capitale alsacienne. Le bilan du drame s'est alourdi. À présent, il y a 3 morts et 13 blessés, dont 5 graves. Dans ce contexte, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, appelle les Gilets jaunes à être raisonnables et à ne pas manifester samedi pour des raisons de sécurité. Et concernant la mobilisation des Gilets jaunes, un nouveau drame a touché le mouvement des citoyens. Denis David, 23 ans, est décédé cette nuit, percuté par un camion. Alors que le jeune homme participait au filtrage des véhicules par les Gilets jaunes sur le rond-point de Bonpas à Avignon. Après l'avoir percuté, le chauffeur du camion ne s'est pas arrêté alors que des manifestants ont tenté de l'immobiliser. Les policiers sont toujours à sa recherche. Malgré les événements actuels et à la demande du gouvernement de ne pas aller manifester samedi, le rassemblement est maintenu, assure des figures du mouvement des Gilets jaunes. Lors d'une conférence de presse à Versailles dans les Yvelines, Priscilla Ludowski, une figure du mouvement, a déclaré « Nous, Gilets jaunes, exigeons une baisse sérieuse de toutes les taxes sur tous les produits de première nécessité, ainsi qu'une baisse significative de toutes les rentes, salaire, retraite actuelle. » Toujours à propos des Gilets jaunes, en début d'après-midi, le Rassemblement national a annoncé qu'il votera la motion de censure contre le gouvernement et avec la gauche concernant la gestion du gouvernement à propos du mouvement des citoyens. Le groupe américain Ford a annoncé aujourd'hui, lors d'une réunion du CE, un plan social après avoir écarté la seule offre de reprise pour son site de Blanquefort en Gironde. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'était pourtant personnellement impliqué dans ce dossier et avait appelé mardi soir le constructeur américain à accepter le projet de reprise. 850 postes sont menacés. Côté sport, c'était annoncé, mais c'est désormais officiel. Une 5e rencontre comptant pour la 18e journée du championnat de France a été reportée en raison du mouvement des Gilets jaunes. Il s'agit de Rennes-Guingamp qui devait se jouer dimanche à 17h. Les 4 autres matchs sont Nice, Saint-Etienne, Nantes, Montpellier, Caen, Toulouse et Marseille, Bordeaux. La météo de cet après-midi, la France est coupée en deux. Dans le sud du pays, c'est la pluie qui va prédominer, tandis que dans le nord, il y aura quelques éclaircies. Une perturbation pluvieuse s'étirera de la Bretagne et s'étendra du massif central au Rhône-Alpes. Sur le reste du pays, le temps sera nuageux, mais avec tout de même des éclaircies généreuses. Au nord de la Seine, les températures iront d'1 à 12 degrés. Il fera 1 à Rennes, 3 à Besançon et Poitiers, 8 à Avignon et la maximale pour Toulon avec 12 degrés. Merci Cyranouche, désolé pour tout à l'heure, c'est de ma faute. Il n'y a pas de souci. On te retrouve tout à l'heure, prochain point sur l'actu dans 20 minutes à 16h40. Studec, l'infotrafic. Et vous êtes très nombreux à écouter Studec Web sur la route. Quelles infos à retenir, Arthur ? Eh oui, le trafic est assez chargé. 150 km de bouchons sont à signaler sur l'Île-de-France. Il y a 10 minutes, un accident vient de se produire sur le périphérique extérieur à hauteur de Port d'Italie. La voie de droite est provisoirement fermée. Soyez très prudents. Également, un accident vient d'avoir lieu sur l'A86 intérieure aux alentours de Nanterre. Un poids lourd et un véhicule léger sont impliqués. La voie de gauche est fermée. Sur le périphérique intérieur, beaucoup de bouchons sont à signaler entre Porte d'Auteuil et Porte Maillot. Vous allez mettre 22 minutes entre les deux portes. Sur le périphérique extérieur, cette fois, la circulation est fortement perturbée entre Porte de Châtillon et Porte d'Italie. Vous allez mettre 14 minutes pour faire les 5 km de parcours. Sur la 86 extérieure, la circulation est plutôt fluide. Méfiez-vous de quelques ralentissements qui pourraient intervenir vers Créteil, pardon. Dans le sens intérieur, un véhicule est en panne à hauteur de Versailles. C'est la fin de cette inforoute. Prochain point dans 20 minutes. Soyez prudents. Merci Arthur et bon courage. Hein. Prudence sur la route. Détendez-vous avec toutes vos chansons préférées. Alan Walker, comme promis, en fait partie. Merci d'être avec nous dans leurs médias sur Studec Web. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been. And I know you wanted to. All it takes is that one look you do. And I run right back to you. You cross the line. And it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, Chanter, hein, ça c'est la magie de Studek Web. Alan Walker, All Fall Down. Jeudi musique. Et on reste dans la même vibe avec Corentin, grand passionné de musique urbaine. Non, non, tu peux plus te cacher, Corentin. Ah, c'est vrai, là tu m'as découvert au grand jour. Là. Ouais, tu nous présentes le nouvel album de Rof qui sort demain. Exactement, demain sort l'un des albums de rap les plus attendus de l'année. Rof, a.k.a. ROH2F, a.k.a. ROH2Guerre, a.k.a. PDRG président du Rap Game, a.k.a. El Padre. Et c'est moi ou a.k.a. finalement aussi, ça lui irait bien comme surnom. Alors, ouais. pour les non-initiés, Rof, c'est ça. Y'a ma bite qui sépare. Entre le trône et leur boule, y'a ma bite qui sépare. Débarre. Bon. Non, mais évidemment, sorti du contexte, forcément, ouais. C'est pas fou. Mais je tiens quand même à rendre ses lettres de noblesse à l'un des artisans du rap français, tout simplement. En effet, il a commencé sa carrière solo en 1999. Avant, il était dans le groupe La Mafia Qu'un Free. Et oui, on peut dire qu'il fait partie des peu rappeurs actuels à avoir vendu des albums en francs. Et oui, rien que pour ça, il mérite son trône. On parle près d'1,5 million d'albums vendus. Son dernier album sort demain. Son dernier album studio sort demain. Surnaturel, je le disais, c'est un album ultra attendu, 3 ans après le dernier. Bon, c'est dû à un certain passage judiciaire, mais ça ne l'a pas empêché de sortir un double album qui compte 30 titres inédits. Le premier titre a été dévoilé le 16 novembre dernier sur sa chaîne YouTube. La Force, un titre qui annonce une nouvelle sonorité de l'album. Forcément, il veut s'adapter au paysage du rap actuel. Mais pour les amoureux de la première heure, des titres comme Testament 2 en réponse à son titre culte sorti en 2008, mais aussi Dr. Dre mettant son évidence à ses inspirations West Coast, sont pour les puristes plutôt de la première heure. Le seul point négatif, s'il en est concernant la sortie de cet album, c'est qu'il y a eu des fuites sur certains titres avant la sortie officielle de demain. Ils ont été mis sur les réseaux sociaux. Bon, par chance pour le rappeur, les retours sont ultra positifs. On parle même pour certains qui ont tweeté comme étant le meilleur album de l'artiste. À une période où les achats se font clairement numériques, voire téléchargés illégalement, moi je vous conseille, allez à la FNAC, à Cultura, aux espaces culturels de Leclerc ou d'autres grandes surfaces, donnez les moyens aux rappeurs de faire du bon travail et de les rémunérer en conséquence. C'est un joli cadeau à mettre sous le sapin. Et ouais, pour Noël. Merci Corentin. On se retrouve juste après sur Studek Web. On bascule vers les 17h tranquillement et vous retrouvez Kenzie, Nicolas et Mehdi dans le Grand Prime Studek, le GPS qui vous guide pour finir la journée en douceur avec la possibilité de gagner la visite de nos studios avec le jeu de la marche arrière, une année à découvrir, 4 indices pour ça. Nicolas reviendra également sur la carrière d'Amy Winehouse et Mehdi mettra les pleins phares sur les bons plans du week-end. C'est à 17h sur Studek Web et croyez-moi, le GPS vaut le détour. Saurez-vous retrouver l'animateur et son émission ? Le C'est qui c'est quoi sur Studek Web. On joue maintenant au C'est qui c'est quoi. Pauline, Corentin, oui. Arthur, une voix mystère à découvrir. Tendez bien l'oreille. Vous avez deux chances hein, pour tenter de démasquer une personnalité des médias. Deux chances chacun. Non, enfin, oh, en général. Arthur, enfin. je demande, je m'instruis. Tu vas voir. Donc deux chances, dont un premier indice très déformé, un deuxième un peu moins. Et puis vous qui nous écoutez, hein, je vous invite à participer chez vous, dans votre voiture, au travail, avec les collègues ou en famille. Hein. C'est la famille sur Studek Web. On a toujours l'impression que la télévision est marketée, qu'elle est extrêmement formatée. Elle est bien évidemment. On sait à quel public on s'adresse, on sait que... Moi je vois la tête de Corentin et j'ai peur. Hein. Là, pour le coup... Moi je dirais Big Ali, comme ça, il y a rien que ça qui me vient. Là, c'est... Non, ce n'est il est pas dans sa salle de bain, la personne. Non, pas exactement. Là, c'est un homme. Il va avoir 50 ans. Ah bon, il va avoir 50 ans l'année prochaine, le 30 août. Le 30 août. Il est originaire. Vous avez mon père dans l'émission. Il est originaire de la ville de Croix. Ça vous aide pas. Hein. De Croix, ah, pas du tout. Je sais même pas qu'il y avait une journaliste. Il a bossé sur Europe 1. Il a même commencé sa carrière comme stagiaire au service politique de RTL. Voilà. Et si vous vous amusez à l'appeler, eh ben, sur son répondeur, il y a la chanson « Emmenez-moi » de Charles Aznavour. T'as vraiment essayé chanté de l'appeler par sa Tu l'appelais? Non, pas moi. Chanté par sa fille. Donc il a une fille, il a commencé à RTL, il est maintenant Europe 1. Pas d'idée. Il vient de Croix. Arthur, peut-être. Laurent Ruquier. Ce n'est pas Laurent Ruquier. Okay. Deuxième indice. On a toujours l'impression que la télévision est marketée, qu'elle est extrêmement formatée. Elle l'est, bien évidemment. On sait à quel public on s'adresse. On sait que France 2 est une chaîne plus patrimoniale, on va dire, que M6, par exemple. On sait qu'on a un public qui attend ce genre de choses. Mais j'ai toujours pas. Hein. Toujours pas. Il va falloir d'autres. Bon, il travaille sur France 2 actuellement. Ah. Voilà, depuis 2006, il est arrivé. Il fait deux émissions. Il fait beaucoup de documentaires. Si je vous dis un documentaire qu'il fait, vous trouvez tout de suite. Ouais, mais il présente le journal télévisé. Ouais, sur Laurent Delahousse. Tu dirais Laurent Delahousse. Moi, j'ai pensé à ça. 2006, ça correspond, je crois, à son arrivée à France 2 à Laurent Delahousse. Moi, je redis Laurent Ruquier, parce que je pense vraiment que c'est ça. C'est Laurent Delahousse. Bravo, oui. Corentin. Ah, Laurent en cache un autre. Non, eh ben Gilles, non. C'était pas Nico Saliagas, ni Thomas Soto, hein, Louis de Bois-Guillaume. Et non plus Justine, Laurent Bignolas. Merci quand même pour vos messages. Pourquoi je vous parle de Laurent Delahousse, vous allez me demander. Pourquoi est-ce que tu nous parles de Laurent Delahousse, Valentin? Eh bah, tout simplement parce qu'il a sorti un film là dernièrement, Laurent Delahousse, sur Jean d'Ormesson, décédé le 5 décembre dernier. D'accord. Voilà, il fait un beau portrait de l'homme côté des médias. D'accord. Et donc Laurent Delahousse, il est actuellement au cinéma en tant que réalisateur en plus. En tant que réalisateur, décidément. Voilà. Ça vaut le détour et je vous conseille d'y aller. Hein, sur, j'irai. Voilà. Ensemble, Corentin. Allez. Le duo qui fait sensation sur toutes les radios, sauf qu'on a été les premiers à le jouer. Eh oui, ça c'est quand même pas mal. Hein. C'est Vita et Slimane pour Je te le donne. C'est dans leurs médias sur Studek Web. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop. Tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, prends, je te le donne. Tes yeux, sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne, même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne sur Studek Web avec Vita et Slimane qui termine l'année par un concert demain soir à Longuenesse dans les Hauts-de-France. Si vous y allez, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos sur le Facebook de Studek Web. On adore ça. L'heure média continue jusqu'à 17h et Pauline prend la grosse tête direction RTL pour la plus grande émission radio de tous les temps. Alors j'espère pas prendre la grosse tête, mais vous le savez, mais rappelons-le pour les nouveaux arrivants sur l'heure média, une année, un média permet de remettre en lumière des programmes de l'univers des médias. Aujourd'hui, allumez les projecteurs, démarrez les DeLorean, nous partons à la découverte des grosses têtes de Philippe Bouvard. Qui ne connaît pas Philippe Bouvard, l'animateur est resté près de 40 ans à la tête de cette émission culte, écoutée chaque jour par des milliers d'auditeurs, les grosses têtes. Ce n'est pas un travail, c'est une partie de ma vie, disait-il il y a déjà quelques années. L'émission Les Grosses Têtes provient d'une ancienne émission de radio, d'avant et après-guerre appelée Les Incollables, animée par Robert Beauvais. Elle consiste à poser des questions de culture générale à un petit groupe d'invités choisis pour leur humour et leur sens de la répartie. Serait bien invité, Corentin. Les invités interrogent l'animateur pour s'orienter. L'émission naît exactement le 1er avril 1977 d'un tête-à-tête entre Philippe Bouvard et Jacques Martin. L'émission se construit véritablement dans les années 1980 autour d'un groupe de récurrents où l'on cite notamment Roger Pierre, Jacques Balutin, les deux autres pères fondateurs, Patrick Sébastien, Carlos, Roger Carrel et plein d'autres qui se succèdent année après année, émission après émission. Toujours aussi drôle, toujours aussi jeune, encore que... Dites-moi, Jackie. Oui. Il y a longtemps que vous ne les aviez pas vus, ces grosses têtes. Est-ce que, de vous à moi, vous les trouvez changées? Bah oui, d'après ce que je vois, la date limite de consommation doit être un peu dépassée. Surtout quand je vois la gueule de certains. Les grosses têtes, c'est aussi une diffusion télé. En 1985, l'émission passe pour la première fois à la télévision sur Antenne 2 pour fêter l'émission de la 2500e fois sur le Des Grosses Têtes. De la bonne humeur, des rires, surtout étaient au programme, au rendez-vous et un succès phénoménal. En 1992, l'émission de la 500e fois Des Grosses Têtes passe sur TF1. Bonsoir à tous et merci d'avoir été avec nous cette soirée un peu folle. Je vous donne rendez-vous sur TF1 le 1er avril. Oui, je sais, ce sera lundi, mais c'est une émission d'honneur du 20e anniversaire des Grosses Têtes. Et puis naturellement, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 16h30 sur RTL. Bonsoir. Après 37 années à la tête des Grosses Têtes, Philippe Bouvard avait été contraint de céder son fauteuil à Laurent Ruquier en septembre 2014. Les Grosses Têtes faisaient partie de ma vie, de la vôtre, je pense, hein, l'équipe. Ah bah oui, oui, moi j'ai toujours écouté les Grosses Têtes et c'est pas fini. Mais bah, très bien. Alors, la dernière a été écoutée le 25 juin 2014. On retiendra tous ses meilleures années. Il a bercé ma vie dans les bouchons où mon père voulait absolument écouter que ça. Philippe Bouvard est pour moi un personnage iconique du paysage des médias français. Eh bah merci Pauline. Studek Web, les infos. Le rappel des titres avec Maxime Gondelot. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Dans l'actualité de cet après-midi, une grande opération policière impliquant le RAID est en cours dans le quartier de Neudorf à Strasbourg. Les forces de l'ordre procèdent ainsi à des vérifications de domicile. Les enquêteurs pensent que le fugitif n'aurait pas quitté la ville suite à la localisation d'un véhicule parental. Plus de 48 heures après le drame sur le marché de Noël, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, se rendra sur place en fin de journée, a annoncé l'Élysée. Au total, plus de 700 membres des forces de sécurité sont toujours à la recherche de Shérif Shekat. L'appel à témoins est toujours actif. Pour rappel, l'attaque a fait 3 morts et 13 blessés, dont un en état de mort cérébrale. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, se dit trahi par Ford et demande à l'entreprise de revoir sa décision. Pour l'usine Ford de Blanquefort, en Gironde, le suspense reste palpable. La société Punch Power Glide s'était pourtant positionnée pour reprendre le site, mais Ford a annoncé ainsi avoir écarté l'offre. 850 salariés sont toujours en attente d'une reprise. Le constructeur américain prévoit la fin de la production d'ici fin août 2019. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait pourtant appelé le PDG à accepter le projet de reprise. L'entreprise automobile estime qu'un plan social est préférable à la place d'un plan de reprise. À l'international désormais, Donald Trump de nouveau dans la tourmente sur Twitter. Le président des États-Unis d'Amérique affirme n'avoir jamais demandé à Michael Cohen, son nouveau ancien avocat, d'enfreindre la loi. Il rajoute, il était un avocat et est censé connaître la loi. Réaction tranchée suite à la condamnation hier à 3 ans de prison de Michael Cohen par la justice fédérale américaine. Il réagit en déclarant qu'il pensait que c'était son devoir de couvrir les sales coups de Monsieur Trump. Michael Cohen avait notamment été condamné pour avoir organisé le paiement de 280 000 $ à deux maîtresses supposées du milliardaire, ce qui représente une violation des lois sur le financement des campagnes électorales. Theresa May, première ministre britannique, ne s'en sort plus. Après avoir survécu à un vote de défiance des parlementaires hier, elle est en déplacement au sommet européen à Bruxelles qui commence aujourd'hui. Le but, plaider auprès de ses homologues pour plus d'assurance sur le Brexit. Elle a déjà annoncé son retrait anticipé de la tête du gouvernement britannique avant les prochaines élections de 2022. Côté météo, le temps sera très pluvieux sur la côte atlantique et sur la côte méditerranéenne. Dans le reste du pays, le soleil sera de sortie malgré l'accumulation de quelques cumulus le long de la frontière est du pays. Pour les températures, 4 à Bordeaux, 9 à Marseille et la maximale de 10 degrés pour Ajaccio. Merci Maxime, prochain flash info à 17h. Studec, l'infotrafic. On jette un œil tout de suite sur l'infotrafic avec Arthur. Est-ce qu'il y a eu des changements ? Un petit peu, oui. 160 km de bouchons sont à signaler sur toute l'île de France, c'est donc assez chargé. Un accident vient d'avoir lieu au niveau de la porte de Saint-Ouen sur le périphérique intérieur. Un véhicule léger serait impliqué. L'accident sur le périphérique extérieur, cette fois, à hauteur de la porte d'Italie, n'a pas encore été dégagé. La voie de droite est provisoirement fermée, soyez très prudents. Également un accident sur l'A86 intérieure aux alentours de Nanterre. Un poids lourd et un véhicule léger sont impliqués. La voie de gauche est également fermée. Sur le périphérique intérieur, beaucoup de bouchons sont à signaler entre Auteuil et Fine. Vous allez mettre 17 minutes entre les deux portes. Sur le périphérique extérieur, la circulation est fortement perturbée entre Porte de Châtillon et Porte d'Italie. Vous allez mettre 14 minutes pour faire les 5 km de parcours. Sur la 6B dans le sens de Paris, c'est aussi assez chargé à l'entrée de Paris. C'est la fin de cette inforoute. Respectez bien les distances de sécurité. Bonne route sur StudecWeb. Merci Arthur. On reste ensemble dans l'heure média jusqu'à 17h. Imagine Dragons pour le retour du son sur StudecWeb. La chanson a été composée spécialement pour la saison universitaire de football américain. C'est Natural sur StudecWeb. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth. The truth, that's the price you pay. Just another product of today. Rather be the hunter. got me. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna make it. Ah là là, y a vraiment rien à la télé, c'est chiant. Ah mais attends, y a Zap TV sur StudacWeb. L'heure média jusqu'à 17h, vous venez de nous rejoindre, bah, soyez les bienvenus et à vos télécommandes. Pauline Zap pour nous, parmi les meilleurs moments télé d'hier. En effet, et au sommaire aujourd'hui, météo sulfureuse, Jean-Pierre Foucault qui reçoit la future Miss France. On commence par Catherine Laborde, l'ancienne présentatrice météo qui reprend du service sur C8. Plusieurs mois se sont écoulés depuis les adieux de Catherine Laborde en tant que présentatrice météo sur TF1. Et alors qu'elle annonçait être atteinte de maladie de Parkinson, l'animatrice n'a pourtant pas hésité une seule seconde à reprendre du service pour C8 pour la planète. Bonsoir, il a presque fait 40 degrés cet après-midi à Biarritz. Est-ce que ça va continuer? Oui, ça va continuer. Nous sommes pourtant au mois de décembre, mais regardez avec moi les températures prévues pour demain matin. Oui, pour demain matin, à nouveau 27 degrés. Ceci est une fiction, mais pour combien de temps encore? Chaque jour est un nouveau point de non-retour. Bouleversement climatique, épuisement des ressources naturelles, la planète n'en peut plus. Il n'y a aucun chef d'État qui est capable d'avoir le courage de la vérité. Les scientifiques lancent un cri d'alarme. Saurons-nous l'entendre et changer de modèle? C'est partie de l'humanité qui pourrait disparaître d'ici à la fin du siècle. Nous vous proposons un état des lieux autour de cette actualité plus que jamais brûlante. Une météo, bien évidemment, que vous avez compris, était fictive. Elle aide à faire réfléchir. D'ailleurs, le documentaire « La planète est-elle vraiment foutue ?» sur C8 hier réunit 800 000 téléspectateurs. Direction cette fois-ci TMC, avec Quotidien présenté par Yann Barthès. Hier soir, Nora n'a pas cessé de nous surprendre. Nora, pourquoi êtes-vous persuadée d'être la future Miss France 2019? Alors tout d'abord, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir les téléspectateurs de Métropole et d'Outre-mer. Si je pense que je suis avant tout Miss France, c'est parce que je pense que j'ai toutes les qualités requises pour l'être. Pardon, je suis un petit peu émue. En effet, diplômée de communication, je suis à l'aise à l'oral. J'aime le contact, mais aussi la nature, puisque je soutiens le climat. Et le sport. En effet, je pratique la Zumba depuis bientôt 6 ans. Si je suis élue, cette année, j'aimerais surtout donner mon temps aux personnes âgées. C'est une cause qui m'est chère. Enfin, en ces temps de lutte pour l'égalité homme-femme, à une époque où le combat pour le droit des femmes est plus fort que jamais, je suis ce soir particulièrement honorée de défiler et de vous montrer mon cul. Bon, rappelons-le, ce samedi se déroulera depuis Lille l'élection Miss France 2019. Bon, j'espère que ça ne sera pas Nora qui sera sélectionnée. Merci Pauline, on reste dans l'univers télé, tiens, justement, avec Corentin qui est en train de feuilleter le programme télé de ce soir. C'est plus le moment, Corentin. Oui, c'est trop tard. C'est trop tard. Non, moi, j'ai rien de prévu. Aya Nakamura et Justin Bieber pour la musique. Et oui, c'est aussi ça, leur média sur StudacWeb. Hey, c'est Caro. Vous savez, du coup de boost de 14h à 15h sur StudacWeb. J'ai enfin réussi à me débarrasser de Pierre et Julien pour le moment, mais ils seront avec moi demain, je vous rassure. Et qui sait, peut-être qu'il y aura un ou deux doses qui sortiront sur les garçons dans le dose du jour. Caro ! Ah, attendez, je crois qu'ils m'ont retrouvé. Bon bah je vous dis à demain les copains. Et surtout loupez pas ça, c'est Julien qui prend les commandes demain. Autant vous dire qu'avec lui, ça peut déraper à tout moment dans le coup de boost de 14h à 15h sur StudacWeb. Vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes dans l'heure média, vous arrivez pile au bon moment. Dans un instant, hein, tout à l'heure en fin d'émission, Justin Bieber pour la musique. Voilà, je m'appelle Valentin, je suis en compagnie de Corentin, Pauline et Arthur. Mais oui. Et Arthur, voilà. Bah qui oui, est là pour. C'est pas mon nom de famille, voilà. Mais non. C'est pas grave. Et justement, dans l'heure média, on parle de télé avec Corentin. Et oui, nouveau numéro ce soir de France 2 d'Envoyé sur France 2 d'Envoyé spécial. Elles n'avaient jamais brandi aucune banderole et pourtant elles ont décidé de porter le gilet jaune. Je veux juste être une citoyenne qui dit bon, stop, maintenant j'en ai marre. Envoyé spécial a suivi ces femmes qui, pour la première fois, manifestent. Je pense qu'on va commencer vraiment à taper plus fort que ce que nous on fait, comme de la figuration au bord des ronds-points. Le gilet jaune au cœur de l'actu, donc ce soir exclusivement des témoignages de femmes. Bon, Christina Cordula n'a pas été interviewée, bah parce que le jaune c'est pas magnifique, ma chérie. Hein. Un film culte ce soir sur France 3. Sean Penn, Oscar du meilleur acteur. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Jimmy, anytime qu'est-ce que t'as fait? Goes away. Un film magistral de Clint Eastwood, Mystic River, jeudi à 20h55 sur France 3. Mystic River, ça reprend l'histoire de trois amis d'enfance que la vie a séparés tragiquement, mais qui sont de nouveau réunis, aussi pour une raison tragique, à la suite du décès de la fille de l'un d'eux. L'un des amis est accusé de meurtre, du meurtre de la fille, donc Clint Eastwood, à l'area. Ça donne de quoi vous donner des frissons. Je palpite rien qu'à vous le dire. Sur M6, on retrouve la série Papa ou Maman. Elle est adaptée du film du même nom. La seule chose qui change, c'est que dans le film, les parents se disputent le fait de ne pas avoir les enfants. Là, c'est le contraire. Là, ils veulent à tout prix avoir les enfants et à tout prix éviter de se poser ce genre de questions. Donc, c'est ça que vous appelez à l'amiable. Donc, à l'amiable, c'est elle garde la maison et les gosses et moi, je verse une pension alimentaire de Qataris. Voilà. Esprit criminel, ce soir, ce sera unité sans frontières, sans passeport. On est sorti des couables. Oui, je suis peut-être un peu emballé. Bon, bah, du coup, c'est le nouvel épisode de la série qui se met dans la tête d'un serial killer. Non, Corentin. Vraiment pas? Non, vraiment. On va écouter l'extrait alors. L'ambassadeur à Athènes nous demande d'enquêter sur le meurtre d'un garçon de 26 ans, Paul Stavros, originaire du Queens à New York. Le tueur l'a tabassé à mort uniquement à point nu. Pourquoi vous n'avez pas alerté la police quand Paul a disparu? Vous nous cachez des choses. Et enfin, une soirée sportive sur la chaîne de l'équipe. Et oui, ce soir, les coups vont aussi partir. C'est fini. Bon, j'arrête. Ce soir, c'est Talent 54 sur la chaîne de l'équipe avec les meilleures vidéos de kickboxing à travers le monde. Et est-ce que l'équipe reconnaît cette petite musique? Willy Wonka, Willy Wonka, les dents dans le chocolat. Oh, ça me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose? Oui. Et c'est le film de Tim Burton sur W9. Alors, et forcément, oui. Avec Charlie son acteur fétiche, Johnny Depp, dans Charlie à chocolaterie. Et là, je vais vous demander la question: qui n'a jamais rêvé de trouver le ticket d'or dans la tablette au chocolat et gagner la journée avec Willy Wonka? J'en ai déjà trouvé dans les M&M's. Non. Toi, t'as la chance. C'est toi. Pas vrai. Et toi, t'as toujours eu de la chance de toute façon. Espèce de gourmand. Moi, le chocolat, je peux pas résister. Ah ouais? Ah ouais, non, je suis comme ça. Et puis, je suis pas le seul. Hein. Pauline aussi, Arthur, je suis sûr. Non, tu tomberas jamais tu tout seul. Tu juges, là. Bon, sans transition, ça vous dit de jouer au quiz des génériques? Absolument. Allez, allez, on est parti. Direct. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, le quiz des génériques, voilà, moment détente de l'émission. Vous jouez aussi chez vous, hein, à la maison, comme Margot en train de cuisiner en ce moment. C'est ce qu'elle nous dit sur la page Facebook. Merci pour votre message. Alors, est-ce que vous avez une idée? Oui, mais je vais laisser mes collègues... Bah, Du générique qu'on vient d'entendre? Oui. Là, je peux réaliser un rêve? Oui. Vas-y. Est-ce que c'est l'heure de la question co? Ah d'accord, mon rêve est raté. Il regardait pas l'émission apparemment, mais ça attention à la marche. Exactement. Oui. Bravo Corentin. Fallait dire Kin. Bah ça. Oui voilà. Ouais, c'est comme au loto. Il faut dire Kin. Voilà, à chaque fois pareil. J'ai compris. Un peu tard. Mais c'est pas grave Arthur. Bon. Non, mais c'est pas grave. Deuxième générique. Petit indice. Oui. Il a été parodié par plein de fois par les Inconnus, ce jeu, voilà. Et par Danny Boone aussi plus récemment. Par Danny Boone plus récemment. Ouais, j'avais même pas vu Danny Boone, je pense. Mais je sais ce que c'est, mais Danny Boone, j'ai pas vu. T'as une idée? Parce que là, pour le coup, les Inconnus, ils ont parodié tellement de... Une idée, peut-être, Arthur? Vas-y. Franchement, là, je sèche un peu. Alors, ça a été diffusé de 85 Pauline à 87, 93. Bien vu, Pauline. Pauline, elle a pas le temps. Et puis, on en a même parlé dans Shrek, voilà, pour la petite anecdote. Ah bon, le miroir magique qui se transforme en animateur de cette émission. Voilà. Exactement. Un petit dernier générique, on est parti. Merci, ah, croire. Il y a beaucoup trop d'éléments dans ce générique. Ça sent les pépettes. Hein. Moi, je vous le dis. J'ai envie de sauter, j'ai envie d'exploser. importé tout droit des États-Unis. Voilà, il a été diffusé de 87 à 93 à 97 ouais. Et puis après de nouveau sur TF1 de 2006 à 2012. Par qui? Par l'animateur. Tu veux l'animateur? Oui. Tu veux l'émission? Je veux l'émission. Je veux tout. Il y a eu entre autres Christophe de Chavannes. J'ai trouvé. Dis-nous. Arthur, tu as le droit de le dire? Oui. Mais oui. Bah oui, parce que c'est le principe du jeu en fait. Pour l'instant, la roue de la fortune. Exactement. Oh eh bah oui, on pouvait donner une petite lettre. Ding dang dong, ça sonnait comme ça. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette semaine l'heure média. On revient lundi à 16h. Ce sera pas avec nous, ce sera avec toute l'équipe de Robin Chauffard. Merci à toi Arthur hein, d'être passé. Bah, un merci vrai plaisir. À vous. J'espère revenir bientôt avec ah, vous. Bah, tu reviens quand ouais, tu veux. Alors là, c'était super. Grande invitation. Merci Pauline, oui. Corentin. Mais merci à tous. Merci hein, à toi Valentin. Pour vos messages très nombreux sur Facebook. Je fais un petit clin d'œil aussi à toute l'équipe technique, Thomas, Victor. Wouhou. Et puis bientôt 17h et Kenzie, le grand Prime Studek est là. Salut Kenzie. Salut Valentin, salut l'équipe, ça va? Quel est le programme Kenzie? Alors aujourd'hui on va avoir... Et oui, tout va bien. Comme d'habitude. On va avoir un vinyle story sur Amy Winehouse de la part de Nico. Mehdi dans sa boîte à gants va vous dire où aller ce week-end en sortie. Oh là là. Ça va parler de théâtre si je me souviens bien. Et voilà pour l'instant. Eh ben... moi je reste là en tout cas, et puis vous aussi hein, je suppose. Le grand Prime Studek arrive dans une ambiance de Noël, signé Justin Bieber sur Studek Web. À bientôt et joyeuses fêtes. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty, with you. With you, shawty, with you. With you, under the mistletoe. Everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know, but I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming tonight. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know, but I'ma be under the mistletoe. Shawty with you, shawty with you. To a miracle, hey, love. Don't you buy me nothing? Don't you buy me nothing? I am feeling one thing: your lips on my lips. That's a merry, merry Christmas. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spend so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'll be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday. Stop staring at your face. I should be playing in the winter snow.